20-22, observation, apprentissage. Marie-Laure apprend ses leçons. Mireille apprend l'italien. Vous, vous apprenez le français. Il apprend à nager. Il a appris à lire. Il a appris à écrire.